s'effondrer ensemble vers l'éco-liberté. Par Jem Bendel. Chapitre 6. Effondrement de l'alimentation, 6 tendances lourdes. J'ai commencé à réfléchir à l'approvisionnement alimentaire mondial au milieu des années 1990. C'était mon premier emploi à l'université, dans l'unité forestière du WWF Royaume-Uni, où je travaillais à développer la demande de produits certifiés selon les directives du Forest Stewardship Council, FSC. Dans les bureaux en espace ouvert, les gens peuvent entendre ce que font les autres. Devant moi se trouvait Simon Lister, qui travaillait sur la faune et la flore britannique. De l'autre côté, Barry Coates travaillait sur d'odieuses règles commerciales et sur la dette mondiale. Non loin de là, Richard Taper travaillait sur les produits chimiques toxiques. Et juste à ma gauche, il y avait Michael Sutton, détaché par la WWF International. Il travaillait sur l'état des pêcheries mondiales, qui, en 1996, était déjà dans un état déplorable. 9 des 17 principales zones de pêche dans le monde étaient en grave déclin, et 4 étaient commercialement épuisées. Les prises accessoires mortelles de créatures marines indésirables pour l'industrie, comme les dauphins et les requins, posaient également de terribles problèmes. Un jour, à la suite de quelques discussions dans le couloir sur l'avancement de mon travail, Michael m'a invité à déjeuner pour discuter d'une idée. Pourrait-on copier l'idée du FSC pour la pêche? Face à l'inaction des pouvoirs publics, il paraissait censé de traduire les préoccupations des consommateurs-consommatrices en une demande de nouveaux produits répondant à des critères sociaux et environnementaux significatifs. J'ai saisi l'occasion de développer quelque chose de nouveau. Dans les mois qui ont suivi, j'ai rédigé un rapport sur la manière d'appliquer ce modèle au secteur de la pêche. Si cela devait engendrer une véritable organisation, il lui fallait un joli nom. Après avoir examiné différentes possibilités assez imprononçables, un beau jour, j'ai écrit les mots « Marine Stewardship Council » dans l'objet d'un courriel. Je me souviens avoir ressenti de l'enthousiasme à l'idée de soumettre un rapport sur quelque chose qui semblait si important. Et le fait d'être important pour l'avenir du monde était un facteur clé de motivation pour ce Jem de 23 ans. 27 ans plus grincheux, je veux dire plus tard, je constate que le MSC a des chiffres importants à son actif. L'organisme emploie plus de 140 personnes et certifie 12 millions de tonnes de poissons, soit environ 15% de l'ensemble des prises marines sauvages. Il est également suffisamment important pour susciter des critiques, car il n'aborde pas les dimensions sociales de l'industrie de la pêche autant que nous l'avions espéré. Mais qu'en est-il des stocks de poissons dans le monde? Le pauvre chercheur que j'ai engagé pour m'informer sur le poisson, ainsi que sur d'autres denrées alimentaires, a fini plutôt découragé. En effet, non seulement la situation est pire qu'elle ne l'était il y a presque 30 ans, mais les problèmes sont causés par des phénomènes sur lesquels nous n'avons plus la moindre prise, même si la volonté politique était présente. Les dommages causés à nos écosystèmes océaniques sont désormais tragiques, et ils ne cessent de se renforcer d'eux-mêmes, à tel point qu'il n'existe aucun moyen de consommer les produits qui en sont issus de manière responsable, ou d'édicter de nouvelles mesures pour éviter le désastre. Ce qui est également déprimant pour moi, c'est que de nombreuses expertes travaillant pour les principales organisations dans ce domaine se détournent de ces problèmes systémiques afin de rester optimistes quant à ce que les océans peuvent apporter à l'humanité dans les années à venir. C'est un nouvel exemple du refus des expertes de l'establishment d'intégrer pleinement ce qui se passe dans le contexte entourant leur sujet, ce qui révélerait la véritable ampleur du désastre dans lequel nous nous trouvons déjà. On voit là les effets de l'isolement causé par le privilège, un phénomène qui afflige tant de chercheurs-chercheuses. Je l'explore plus en détail au chapitre suivant. Comme nous l'avons vu dans notre discussion sur la biodiversité et l'effondrement de la biosphère, certaines expertes aiment dépeindre l'humanité en général comme un fléau pour la planète Terre, en affirmant que toutes les civilisations passées ont détruit leur environnement. Nous avons également vu qu'on ne dispose que de preuves assez incomplètes à ce sujet. Quoi qu'il en soit, aucune civilisation passée n'a détruit la vie dans les océans comme l'ont fait les sociétés modernes. En effet, les fruits de mer étaient souvent l'option de repli pour les civilisations lorsque les choses tournaient mal. Par exemple, les derniers grands centres de population maya se trouvaient le long de la côte et il existe des signes montrant que les Mayas ont ensuite pris la mer vers d'autres terres pour établir de nouvelles colonies. Le poisson et les fruits de mer ne sont qu'une petite partie de notre approvisionnement alimentaire mondial. Et ce dernier dépend entièrement de conditions climatiques favorables, d'une biosphère en bonne santé, ainsi que de l'énergie nécessaire pour produire, stocker et distribuer les denrées alimentaires. Pour que ces produits soient fournis de manière massive, nous dépendons également des systèmes monétaires, économiques et sociaux. L'histoire montre clairement qu'en cas de défaillance de l'un de ces facteurs, l'approvisionnement alimentaire est touché, ce qui peut entraîner des perturbations et un effondrement de la société. C'est pourquoi la famine est considérée comme l'une des principales causes des effondrements sociétaux passés. Selon les archéologues, il s'agit d'un facteur qui a contribué à l'effondrement qui s'est produit dans la zone méditerranéenne à la fin de l'âge de bronze, à celui de l'empire khmer d'Angkor Wat, à un certain nombre d'effondrements de sociétés méso-américaines, à l'effondrement des colonies nordiques au Groenland et en Islande, et à celui de l'île de Pâques, bien que d'autres facteurs, y compris la colonisation, aient également joué un rôle clé. Comme tous les autres facteurs que nous avons évoqués, une perturbation de l'approvisionnement alimentaire n'est pas nécessairement la seule, ni même la première cause d'effondrement. Mais il s'agit incontestablement d'un élément déclencheur des processus de désagrégation sociale et économique qui conduisent à l'effondrement sociétal. Les révolutions et les soulèvements connus sous le nom de Printemps arabe, 2010-2011, démontrent clairement que les pénuries alimentaires et les hausses de prix qui en découlent peuvent catalyser des bouleversements sociaux, même à l'ère moderne. Alors, quelle est la situation aujourd'hui ? Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, l'offre mondiale en 2019 fournissait en moyenne 2963 kilocalories par personne et par jour. À l'heure actuelle, l'offre alimentaire mondiale totale dépasse donc largement les 1800 kilocalories par personne et par jour nominale requise. La croissance de la production alimentaire mondiale semble être une des grandes réussites de l'ère moderne, puisqu'elle a augmenté de 376% depuis les années 1960. Un chiffre impressionnant. Cela signifie que l'offre alimentaire par personne a augmenté d'environ 30%, alors que la population mondiale a plus que doublé. C'est une prouesse vraiment stupéfiante. Sauf que cette offre alimentaire n'est pas réellement disponible par personne, parce qu'elle est distribuée de manière inéquitable, et qu'une grande partie est gaspillée. Les enfants souffrent tout au long de leur vie des conséquences des périodes de famine. Il est donc particulièrement bouleversant de constater que 22% des enfants dans le monde sont aujourd'hui touchés par un retard de croissance. La famine est également en train de s'installer. En 2020, il y avait au moins 155 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë ayant besoin d'une aide urgente pour éviter la famine dans 55 pays ou territoires. En octobre 2022, ce chiffre avait plus que doublé pour atteindre le chiffre record de 345 millions de personnes dans 82 pays. Cela représente plus de 40% des États membres des Nations Unies. Et la situation s'aggrave chaque année depuis 7 années consécutives. Parmi les problèmes qui aggravent cette situation, il y a ceux que l'humanité pourrait résoudre si nous sauvions les systèmes alimentaires des monopoles et du gâchis, et ceux que nous sommes incapables de résoudre, comme l'effritement des fondements énergétiques, biosphériques et climatiques stables de nos systèmes alimentaires mondiaux. Même la prudente FAO signale que notre système d'approvisionnement alimentaire mondialisé est déjà, je cite, stressé jusqu'au point de rupture. Fin de citation. Malheureusement, Mes recherches sur la production alimentaire, aussi bien sur Terre que tirées des océans, m'amènent à conclure que les choses sont pires encore. Les systèmes sont déjà en train de s'écrouler. Dans ce chapitre, je décrirai 6 tendances lourdes qui limitent de plus en plus l'approvisionnement alimentaire mondial, de sorte que de nombreuses sociétés qui, de mémoire humaine, n'ont pas connu d'insécurité alimentaire généralisée, commenceront à en faire l'expérience dans quelques années. Quant aux souffrances de nombreuses sociétés qui sont déjà dans ce cas, elles augmenteront probablement de manière substantielle. Il s'agit de tendances lourdes, car elles ont des conséquences catastrophiques pour l'humanité si elles ne sont pas toutes inversées. Mais il est difficile, voire impossible, de simplement les ralentir, et elles amplifient aussi leurs effets négatifs entre elles. Une perturbation de l'approvisionnement alimentaire n'entraînerait pas nécessairement des bouleversements et un effondrement si nous apprenions à renoncer à certains types d'aliments et à mieux partager ce que nous produisons. Cependant, aucune des organisations commerciales ou gouvernementales à l'échelle nationale ou internationale ne dispose d'un mandat ou d'un mécanisme permettant de poursuivre un tel objectif et de déterminer la distribution des denrées alimentaires. Tendance 1. Les sociétés modernes sont en train d'atteindre les limites biophysiques de la production alimentaire. L'équation de la sécurité alimentaire comporte deux volets, la demande et l'offre. Du côté de l'offre, la question est de savoir quelle quantité de nourriture la Terre peut produire. C'est une question apparemment simple. Pourtant, il est impossible d'y répondre. La production alimentaire maximale possible de la Terre dépend non seulement de contraintes environnementales telles que le sol, les précipitations, le terrain et la durée de la saison de croissance, mais aussi des choix et des cultures de l'humanité. Que considérons-nous comme de la nourriture? Comment la produisons-nous? Et quelles sont l'éducation, les technologies et les infrastructures disponibles pour soutenir cette production? Comment l'économie, le commerce et la politique affectent-ils la disponibilité des intrants nécessaires ou la capacité des produits à atteindre les consommateurs-consommatrices visés? Nous pouvons utiliser nos connaissances, passées et présentes, pour explorer les limites possibles de la production alimentaire. Mais ce n'est pas suffisant, car l'innovation et les nouvelles technologies dépassent parfois les limites de nos connaissances et changent les règles du jeu, ce qui nous permet de produire plus de nourriture que ce que nous estimions possible auparavant. Ainsi, au début du XXe siècle, le chimiste allemand Fritz Haber a réussi à fixer l'azote atmosphérique en laboratoire. 5 ans plus tard, en 1913, un autre chimiste allemand, Karl Bosch, a mis au point la première application à l'échelle industrielle des recherches de Haber en produisant un explosif, le nitrate d'ammonium pour l'armée allemande. Bien que le procédé Haber-Bosch ait été développé à des fins militaires, les applications agricoles du nitrate d'ammonium en tant que source d'engrais azoté, un engrais jusque-là disponible uniquement en quantité limitée, ont été immédiatement évidentes et la technologie a été largement adoptée. C'est cette technologie qui, presque à elle seule, a permis au monde d'éviter une crise alimentaire. Il ne s'agit pas de dire que les innovations technologiques ne sont pas problématiques, elles le sont bel et bien, comme nous le verrons dans un instant. Mais incontestablement, de telles innovations ont parfois élargi considérablement le champ des possibles en ce qui concerne la production alimentaire. Il en va de même pour l'irrigation, la mécanisation et l'automatisation, la sélection et la modification génétique des cultures et les engrais et pesticides synthétiques. Toutes ces technologies ont des avantages et des inconvénients. Qu'on les considère comme bonnes ou mauvaises, il n'en reste pas moins qu'elles ont permis à l'être humain de dépasser les limites connues de la production alimentaire. C'est précisément grâce à elles que, depuis 60 ans, la croissance de l'offre alimentaire est supérieure à celle de la demande. Pour autant, est-ce une raison de se montrer optimiste quant à l'abondance de la nourriture à l'avenir? L'une des façons de prévoir l'approvisionnement alimentaire futur est d'extrapoler à partir des tendances actuelles. Bien que cela puisse minimiser les changements récents et rapides, tels que ceux affectant le climat, j'ai découvert que le simple fait de procéder à de telles extrapolations permet de conclure que la sécurité alimentaire des sociétés modernes touche déjà à sa fin. Jusqu'en 2019, l'offre alimentaire mondiale a continué de croître. Cependant, le taux de cette croissance est en baisse, et ce de manière constante, depuis plus de trois décennies. Dans les années 1990, la production a augmenté de 2,1% par an. Dans les années 2000, de 1,7% par an, et dans les années 2010, de 1,4% par an. Si cette tendance à long terme se poursuit, il est inévitable que la production alimentaire cesse bientôt de croître et que la demande dépasse l'offre. En 2017, Sarah Menker, une analyste spécialisée dans les matières premières, a prédit une pénurie mondiale de calories totales dès 2027. De nombreuses raisons expliquent le ralentissement du taux de croissance de l'offre alimentaire. Tout d'abord, nous savons désormais avec certitude que le changement climatique limite la production alimentaire dans le monde entier. Étant donné qu'il s'agit d'une question cruciale et d'un changement de paradigme pour l'approvisionnement, je l'aborde séparément ci-dessous. Mais même sans le poids supplémentaire du changement climatique, il est évident que nos systèmes de production alimentaire actuels sont en train d'atteindre leurs limites biophysiques. Un facteur important est que nous avons dépassé le pic des terres agricoles. Je n'ai découvert ce concept que lors de l'écriture de ce livre. Je savais que l'agriculture était en expansion et était conscient de la déforestation qui en découle dans certaines régions du Sud, comme en Amazonie. Mais j'ignorais qu'à l'échelle mondiale, la surface des terres agricoles est en fait en train de se contracter. La croissance démographique et le développement socio-économique qui augmente la demande de logements, d'industries et d'infrastructures sont l'une des principales causes de la conversion des terres. Mais la plupart des pertes de terres agricoles sont dues à la dégradation de leur état biophysique. Les sols sont de plus en plus arides, érodés, salins et dépourvus d'éléments nutritifs. Ils stockent de moins en moins de carbone et la végétation recule. La FAO estime que l'état biophysique de 38% des terres émergées de la planète est en train de se dégrader. Ces 5,7 milliards d'hectares représentent l'équivalent de la surface terrestre de la Russie, du Canada, de la Chine, des États-Unis, du Brésil et de l'Australie réunies. Cette dégradation des terres a déjà réduit la productivité d'environ un quart de la surface terrestre de notre planète. Selon les sources de données, le pic des terres agricoles, entre guillemets, s'est produit dès 1990, avec 4,28 milliards d'hectares disponibles, en 1999, avec 4,88 milliards d'hectares, ou en 2000, avec 4,95 milliards d'hectares. Parallèlement à la dégradation et à la diminution des terres, on atteint aujourd'hui les limites des gains de production réalisés grâce à l'innovation technologique et à l'industrialisation de l'agriculture dans les pays les plus riches. La production agricole dans ces pays est en stagnation, et dans certains cas en baisse, à la fois parce que les limites biologiques de la production végétale et animale sont atteintes, et parce que les conséquences environnementales de l'agriculture industrielle affectent directement la production. Par exemple, les données de la FAO concernant les rendements des principales cultures du Royaume-Uni montrent clairement que l'ère de la croissance régulière des rendements des cultures est révolue, et que ces derniers sont soit stagnants, soit en baisse, et plus variables que par le passé. Des données similaires peuvent être présentées pour de nombreuses autres régions du Nord. Alors que la production alimentaire dans le Nord stagne et diminue, la quasi-totalité de la croissance que nous observons encore dans les statistiques mondiales provient de l'expansion et de l'intensification de la production dans le reste du monde, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Brésil. Mais si les agriculteurs et agricultrices du Sud suivent le même chemin que leurs voisins, voisines du Nord, ils et elles finiront certainement dans la même impasse. Les sociétés modernes sont en train d'atteindre les limites biophysiques de la terre, de l'eau et de l'énergie solaire qui peuvent être utilisées pour la production agricole, aquacole, halieutique et forestière. Une autre limite biophysique de la production commence aussi à se manifester, celle de l'équilibre entre les différentes espèces et les différents habitats. Comme nous l'avons vu au chapitre 4, la perte et la dégradation de l'habitat sauvage, attribuables à diverses influences humaines, génèrent plus de pression sur les espèces et donc plus de maladies. L'augmentation du nombre et de la proximité des animaux d'élevage crée également des conditions propices à l'émergence et à la propagation de maladies. Ces maladies peuvent circuler entre les animaux sauvages et les animaux d'élevage et se répandre dans les populations humaines. En 2019, la peste porcine africaine a frappé des élevages de porcs dans toute l'Asie, si bien que les gouvernements ont décimé 23% du cheptel porcin en Chine et 13% au Vietnam. Les répercussions de ces événements se faisaient encore sentir au moment de l'écriture de ce livre. De nombreux variants très dangereux de la grippe porcine et de la grippe aviaire sont apparus au cours des dernières décennies, entraînant l'abattage massif de millions d'animaux afin de protéger la population humaine. Pour moi, l'apparition de ce problème montre que la nature ne peut pas être déséquilibrée à l'infini par l'activité humaine et qu'il y a des limites à ne pas franchir. Mais il semble que très peu de décideurs, décideuses politiques souhaitent évoquer ces limites malgré l'émergence du concept One Health, une seule santé. C'est-à-dire une santé partagée par les humains, les plantes et les animaux d'élevage, et le reste de la vie sur Terre. Quoi que l'on fasse à l'avenir, nous sommes déjà entrés dans l'ère d'une seule morbidité, entre guillemets, qui va régulièrement et gravement affecter l'offre alimentaire provenant des animaux d'élevage et des animaux sauvages capturés. Tendance 2. Les sociétés modernes détruisent et empoisonnent la biosphère sur laquelle repose leur agriculture. L'humanité est aujourd'hui la principale force de changement sur la planète, un fait qui a donné lieu à la désignation d'une nouvelle époque géologique, l'Anthropocène. Sur Terre, plus de 75% de la surface libre de glace est directement modifiée par l'activité humaine. Bien sûr, la production alimentaire n'est pas la seule source des impacts humains sur la biosphère, mais elle représente la grande majorité de notre impact sur les milieux terrestres. Environ 98% des calories et 96,5% des protéines consommées par l'humanité proviennent de la Terre, et environ la moitié de la surface terrestre habitable par les plantes a été convertie à la production alimentaire. L'activité humaine a toujours laissé des traces dans la biosphère, mais ce n'est qu'avec l'avènement de la civilisation industrielle que nos impacts sont devenus si importants qu'ils ont même commencé à menacer la production agricole sur des continents entiers. Prenons l'exemple des forêts. La déforestation actuelle du bassin amazonien au cours des trois dernières décennies, principalement pour la production de viande bovine et de soja, n'est malheureusement que le dernier épisode en date de la longue histoire de l'humanité en matière de modification des paysages à l'échelle continentale, au nom de l'alimentation d'une population en plein essor. Au cours du XXe siècle, cette déforestation a par exemple été mise en œuvre par les agriculteurs australiens et agricultrices australiennes. Dans le sud-ouest de l'Australie occidentale, comme en Amazonie, un point chaud de la biodiversité mondiale, la politique gouvernementale consistait à déboiser 1 million d'acres par an, ce qui a entraîné la mort de 95% des plantes et de plus de 95% des animaux indigènes dans une région de la taille du Portugal, afin de cultiver du blé et d'autres céréales pour les êtres humains. Tout comme en Amazonie aujourd'hui, la transformation agricole a coûté très cher aux populations autochtones, à la biodiversité indigène et au potentiel productif de la terre elle-même. Mais des histoires similaires peuvent être racontées pour toutes les régions productrices de céréales du monde à travers l'histoire. Au XIXe siècle, il s'agissait des agriculteurs-agricultrices du Canada et des États-Unis, respectivement environ 50% et 75% de déforestation. Avant cela, c'était l'Europe occidentale, environ 80%. Et encore avant, la Chine, environ 95%. Ce qui nous distingue, c'est le rythme et l'ampleur de la destruction opérée par les sociétés de consommation industrielle. Au cours des 120 années écoulées depuis 1900, l'humanité a déboisé plus de forêts que nous ne l'avons fait au cours des 9000 années précédentes. Cette déforestation est à l'origine de nombreux problèmes, dont le changement climatique et l'apparition de nouvelles maladies, comme nous l'avons vu précédemment. Mais elle influence également l'agriculture, en contribuant à la disparition des pollinisateurs, à la perte de fertilité des sols, à la disparition des contrôles naturels des parasites, à la réduction de la rétention et de la filtration de l'eau, à l'augmentation de l'érosion des sols et à la modification du régime des précipitations. C'est parfois flagrant. Par exemple, lorsque les inondations qui auraient pu être réduites par le couvert forestier sont si extrêmes qu'elles emportent les récoltes et noient le bétail. Les effets permanents sont beaucoup plus subtils et difficiles à quantifier, mais ils existent bel et bien. La disparition des pollinisateurs est l'une des préoccupations majeures de ces dernières années. Plusieurs théories sont avancées pour expliquer ce phénomène, notamment le changement climatique et la pollution chimique provenant de l'agriculture ou même des processus industriels. Plus des trois quarts des cultures vivrières mondiales, y compris les fruits et les légumes, et certaines des cultures de rapport les plus importantes, comme le café, le cacao et les amandes, dépendent de la pollinisation animale, principalement des insectes. Les populations d'insectes ont chuté d'au moins 45% à l'échelle mondiale au cours des dernières décennies, et jusqu'à 70% selon certaines études. Leur disparition compromet gravement notre capacité à produire des cultures pollinisées. En termes économiques, la production agricole annuelle mondiale pourrait déjà être affectée à hauteur de 5 000 milliards de dollars. Des scientifiques de l'Université de Harvard ont décidé de modéliser les impacts actuels sur la santé et le bien-être des humains. Selon leurs estimations, le déclin actuel des pollinisateurs a entraîné une perte de 3 à 5% de la production globale de fruits, de légumes et de noix. Ces aliments étant essentiels à la santé et à la lutte contre les maladies, leur modèle a révélé qu'environ 1% de tous les décès annuels dans le monde pouvaient désormais être attribués à la disparition des pollinisateurs, soit environ 500 000 de décès prématurés. C'est un nouveau rappel de la vérité fondamentale que nous avons explorée au chapitre 4, à savoir que nous sommes la biosphère et qu'à mesure qu'elle s'effondre, nous nous effondrons aussi. Les impacts de l'agriculture sur le cycle naturel de l'eau douce sont tout aussi cruciaux. En effet, l'agriculture représente environ 90% de la consommation totale d'eau douce de l'humanité. Dans les environnements aux ressources hydriques limitées, cette consommation a dévasté l'écologie locale, aggravant les problèmes que je viens de résumer. Certains analystes tentent même d'attirer notre attention sur la façon dont nous perturbons peut-être la circulation de l'eau douce dans la nature à l'échelle mondiale. Bien qu'il soit difficile et discutable d'émettre de telles affirmations au sujet d'un système aussi vaste et hyper complexe, on ne peut échapper à la conclusion évidente que l'agriculture moderne est déjà en train de détruire ses propres fondations en ayant traité la nature comme rien de plus qu'une ressource sans vie, destinée à être consommée. Si nous nous intéressons aux océans, la destruction par la société moderne de la capacité qu'a la nature à produire notre nourriture devient flagrante. La pollution industrielle, urbaine et agricole, combinée à la pêche commerciale, fait qu'aucune zone de l'océan n'est épargnée. Les flottes de pêche industrielle ont entraîné l'effondrement ou l'exploitation totale de plus de 90% des pêcheries marines du monde. Même si notre industrie de la pêche changeait miraculeusement et qu'elle obtenait la certification MSC dans son intégralité, les océans ne retrouveraient pas avant des siècles, voire jamais, une production abondante de poissons sauvages ou de poissons sains pour notre alimentation. L'une des raisons est la quantité de pollution toxique que les sociétés modernes ont déjà produite. Plus de 140 000 nouveaux produits chimiques et pesticides ont été mis au point depuis 1950, dont 5 000 sont largement répandus dans l'environnement mondial, alors que moins de 7 500 d'entre eux ont été testés pour leur toxicité. Par des facteurs tels que la circulation de l'air, le ruissellement agricole et le déversement direct des déchets industriels et des eaux municipales dans les rivières, ces produits chimiques se retrouvent dans les océans. Comme nous l'avons vu au chapitre 4, nombre de ces produits chimiques, au lieu de se décomposer, persistent au point d'être éternels. Même dans la partie la plus profonde des océans, au fond de la fosse marine des Mariannes, les concentrations de PCB extrêmement toxiques sont 50 fois plus élevées que dans les rivières les plus polluées de Chine. Les polluants les plus toxiques sont des substances chimiques qui se fixent sur les graisses, s'accumulent dans les organismes et passent ainsi de la base de la chaîne alimentaire jusqu'à nos tables. Ces produits chimiques flottent à la surface de l'eau ou forment une émulsion où ils peuvent se concentrer plusieurs milliers de fois sur de petites particules, y compris les microplastiques, où ils sont ensuite mangés par le plancton. Certains de ces produits chimiques sont extrêmement toxiques pour la vie marine. Par exemple, un produit que l'on trouve dans les écrans solaires et les cosmétiques peut inhiber la croissance des récifs coralliens au niveau étonnamment bas de 62 parties par trillion. Les microplastiques sont également toxiques et peuvent inhiber la croissance du plancton. Le problème de la gamme de substances toxiques présentes dans nos océans est qu'en empoisonnant le plancton, elle pourrait faire s'effondrer la base de la chaîne alimentaire océanique, ce qui entraînerait une diminution considérable de la vie dans les chaînes alimentaires, y compris parmi les poissons que nous mangeons. Cette question a donné lieu à des débats houleux entre les scientifiques en raison des différentes méthodes utilisées pour évaluer l'ampleur de la disparition du plancton. Quoi qu'il en soit, la situation est extrêmement mauvaise pour la santé à long terme des océans. Certaines scientifiques concluent également que les divers produits chimiques étrangers présents dans nos océans contribuent à l'apparition de zones mortes dans les grands fonds, un phénomène nouveau qui pourrait même couvrir 30% de ces derniers. On ne sait pas encore à quel moment ces processus de toxification et ces zones mortes pourraient mettre fin à notre capacité à manger du poisson sauvage pêché en mer. Mais ce qui est clair, c'est que contrairement à nos méthodes de pêche, la toxicité générale de l'environnement n'est pas un problème que nous pouvons résoudre soudainement. Il est déjà bien trop tard. Mes collègues et moi-même nous sommes sentis très découragés par le caractère irrémédiable de la destruction et de l'empoisonnement généralisé de la biosphère, y compris dans le cadre de l'approvisionnement en denrées alimentaires. La tragédie, c'est que cette destruction porte déjà atteinte à la sécurité alimentaire et qu'elle continuera à le faire, quelles que soient les réponses que l'humanité pourrait apporter aujourd'hui. Tendance 3. La production alimentaire actuelle repose sur des combustibles fossiles en déclin. Ce qui a permis de presque quadrupler l'approvisionnement alimentaire mondial au cours des 60 années précédant 2020 est le résultat d'une combinaison d'avancées technologiques au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Ces dernières ont abouti à une transformation de la production alimentaire communément appelée la Révolution verte. Tous les facteurs clés de cette transformation, sauf un, sont dépendants des combustibles fossiles, l'exception étant l'élevage ciblé et la sélection de plantes et d'animaux domestiques. L'effondrement des fondements énergétiques des sociétés modernes, que nous avons abordé au chapitre 3, signifie donc l'effondrement des modes actuels d'agriculture industrielle. Un rapide résumé du rôle des combustibles fossiles dans la production agricole devrait permettre de clarifier ce point. Tout d'abord, l'application du moteur à combustion interne à la mécanisation existante des pratiques de production agricole a transformé les capacités de production. Ce processus, débuté avec les tracteurs dans les années 1910, a continué progressivement avec les batteuses et les moissonneuses-batteuses automotrices à partir des années 1930. Depuis lors, les machines fonctionnant au pétrole sont devenues essentielles à chaque étape de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires. Deuxièmement, les engrais azotés synthétiques sont au cœur de la croissance de la production depuis les années 1950 et sont fabriqués à partir de combustibles fossiles. En 2008, on a estimé qu'environ la moitié de la production alimentaire mondiale dépendait de ces engrais. Troisièmement, les herbicides, les pesticides et les fongicides sont également fabriqués à partir de combustibles fossiles. Ces produits chimiques jouent un rôle essentiel dans la protection des rendements lorsque d'immenses champs de cultures génétiquement similaires sont susceptibles de voir les maladies se propager. Il est possible de se passer de ces produits agrochimiques, mais cela nécessite une approche totalement différente de celle des monocultures industrielles. Quatrièmement, l'irrigation a joué un rôle clé dans l'extension des terres agricoles, mais elle s'appuie généralement sur des pompes et des infrastructures dépendantes des combustibles fossiles et non sur des systèmes basés sur la gravité, tels ceux développés par l'humanité au fil de plusieurs millénaires. Pendant les deux dernières décennies, la proportion de terres arables irriguées est passée de 21,7% en 2001 à 24,4% en 2018, et elle est susceptible d'augmenter en raison des adaptations au changement climatique. Les terres irriguées fournissent environ 30% de la production alimentaire mondiale. Selon la FAO, la fabrication des intrants, puis la production, la transformation, le transport, la commercialisation et la consommation font que le secteur alimentaire représente environ 30% de la consommation mondiale d'énergie et plus d'un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. On ne saurait être plus clair. L'alimentation actuelle de la majeure partie de la population mondiale provient de modes de production industriels qui dépendent totalement de ressources de moins en moins faciles à obtenir et qui détruisent les bases de cette agriculture en contribuant au changement climatique et à l'empoisonnement de la biosphère. Par conséquent, si nous reconnaissons que les sociétés modernes s'approchent rapidement d'une falaise d'énergie nette se produisant du fait d'une disponibilité rapidement limitée des combustibles fossiles, alors nous devons reconnaître qu'il existe également un précipice alimentaire. La vulnérabilité de notre approvisionnement alimentaire du fait de l'instabilité de celui en combustible fossile est mise en évidence depuis 2019 par la situation mondiale actuelle concernant les engrais azotés. Le gaz naturel, qu'on appellerait plus justement gaz fossile, représente jusqu'à 90% du coût de ces engrais. En 3 ans, le prix de ce gaz fossile a été multiplié par 5, ce qui a entraîné des réductions massives de la production d'engrais azotés dans le monde entier. Le plus grand producteur mondial, Yara, a réduit sa production en Europe de 40%, et en 2021, de nombreux agriculteurs et agricultrices dans le monde ont payé leurs engrais 2 fois plus cher qu'en 2020. Cela s'est traduit par une réduction des applications d'engrais sur les terres, voire l'absence totale de plantations, une baisse de la production et une pression supplémentaire renforçant la hausse des prix des denrées alimentaires à partir de 2022. Il convient de noter que cela s'est produit avant les hausses supplémentaires des prix du gaz dues au conflit en Ukraine. Il existe de nombreuses autres façons de cultiver des aliments que l'approche industrielle choisie par les sociétés modernes et en voie de modernisation depuis les années 1950. Des façons qui sont meilleures pour les sols et la faune, tout en fournissant des aliments plus sains et des emplois plus sûrs. Cependant, le temps nécessaire à la transformation de l'agriculture est tel que le déclin du mode industriel aggravera l'insécurité alimentaire. Par ailleurs, une transformation totale du système agricole vers des formes d'agroécologie pourrait encore réduire les niveaux de production globaux à court terme, entraînant une plus grande insécurité alimentaire pour celles et ceux qui ne bénéficient pas directement de ce type d'agriculture ou qui ne sont pas en mesure de faire face à l'augmentation des prix du marché. Tendance 4. Le chaos climatique limite de plus en plus la production alimentaire. Pour assurer sa stabilité, toute société à la population importante requiert un approvisionnement alimentaire tout aussi stable et important. Et pour garantir un approvisionnement alimentaire important et stable, il faut un climat favorable et relativement stable lui aussi. C'est pourquoi le climat relativement stable de l'Holocène a favorisé l'avènement de l'agriculture en même temps que l'essor des centres urbains et des grandes civilisations qui en sont issues. Avec un climat changeant, alors que nous quittons l'Holocène et entrons dans l'Anthropocène, nous voici désormais en territoire inconnu quant à notre approvisionnement alimentaire. Le changement climatique n'est pas seulement une menace future pour la sécurité alimentaire, car nous savons avec certitude qu'il affecte d'ores et déjà nos approvisionnements. Depuis 1970, les phénomènes météorologiques extrêmes ont été multipliés par 5 et touchent aujourd'hui 2 fois plus de surface agricole et 2 fois plus de personnes qu'auparavant. Ces chocs affectent de plus en plus simultanément les cultures, l'élevage et l'aquaculture. En 2019, les phénomènes météorologiques extrêmes et imprévisibles constituait le principal facteur d'insécurité alimentaire dans 25 pays, avec environ 34 millions de personnes poussées dans une situation de pénurie alimentaire. Plus généralement, les rendements des cultures de base sont déjà en baisse dans toutes les régions du monde, conséquence directe du changement climatique. Cela entraîne des répercussions sur les dates de semis et de récolte, une infestation accrue de parasites et de maladies, des pertes dues à l'augmentation des gelées, des inondations, des sécheresses et de la grêle. Au niveau mondial, entre 1981 et 2010, le changement climatique a entraîné à lui seul une baisse du rendement moyen mondial du maïs de 4,1%, du blé de 1,8% et du soja de 4,5%, même en tenant compte de l'augmentation de la fertilisation par le CO2. En Inde, les rendements de blé mesurés ont diminué de 5,2% entre 1981 et 2009 en raison de la hausse des températures. En Europe, les rendements du blé et de l'orge ont diminué respectivement de 2,5% et de 3,8% depuis 1989, avec des pertes de 5% ou plus dans les régions méridionales telles que l'Italie. Bien que le changement climatique ajoute aux pressions subies par la plupart des formes d'agriculture, l'impact sur les céréales est particulièrement important pour les sociétés modernes. Notre civilisation est basée sur les céréales, non seulement parce qu'elles sont facilement cultivables en grande quantité, mais aussi parce qu'elles peuvent être stockées longtemps si elles sont conservées au sec. 3 céréales seulement, le riz, le maïs et le blé, fournissent près de 60% des calories et des protéines que les humains tirent des plantes. La vulnérabilité des sociétés aux perturbations de la production de ces céréales dues à des événements météorologiques trouve une illustration frappante dans différents événements survenus en 2008. Cette année-là, la demande de blé a explosé en raison de l'augmentation de la demande de produits carnés en Asie et de l'utilisation d'une plus grande quantité de maïs pour la production de biocarburants à l'échelle mondiale. Or, en 2007, la production de blé dans le monde entier avait été touchée par un grand nombre de phénomènes météorologiques extrêmes, notamment des sécheresses en Australie, dans l'Est et le Sud-Est de l'Asie et en Europe, des vagues de chaleur aux États-Unis et des inondations en Inde et dans plusieurs pays d'Afrique. Cela s'est produit à la suite de plusieurs années de rendement de blé inférieur aux prévisions, qui avaient entraîné une diminution des stocks mondiaux. Conscients du risque, les principaux exportateurs tels que les États-Unis, le Canada, l'Australie et l'Argentine, entre autres, ont réduit leurs exportations de céréales. Flairant l'aubaine, des spéculateurs ont commencé à accaparer le marché et le prix du blé a doublé en l'espace d'un an. En conséquence, des émeutes de la faim ont éclaté dans 23 pays répartis sur tous les continents. Diverses études montrent que les mouvements de protestation qui ont balayé le monde arabe au cours des années suivantes ont été déclenchés par l'augmentation du coût des denrées alimentaires de base. On peut accueillir favorablement de tels changements politiques, mais l'essentiel pour notre propos est de noter la relation persistante entre le climat, l'agriculture et la stabilité sociétale. Pendant la crise alimentaire de 2008, le volume réel de blé échangé sur les marchés mondiaux est resté similaire à celui des années précédentes. La crise était donc due à des réactions aux effets négatifs des conditions météorologiques sur la production, entre autres facteurs, plutôt qu'à une réduction significative de l'offre. Ces ruptures n'ont eu lieu qu'à la suite de problèmes relativement bénins concernant une seule culture de base, le blé. Par conséquent, les experts, expertes en sécurité alimentaire, s'inquiètent à juste titre de ce qui pourrait se produire si nous connaissons des défaillances plus graves sur plusieurs denrées de base en même temps, ou dans un laps de temps très court. L'analyse de leurs recherches m'a amené à conclure qu'une telle perturbation à multiples facettes est inévitable au cours de la décennie actuelle, comme je vais l'expliquer maintenant. Bien que presque tous les pays du monde produisent des denrées alimentaires, le commerce international des principales céréales que sont le blé, le maïs, le soja et le riz est dominé par quelques pays, qui sont connus sous le nom de « greniers à céréales du monde ». Ces pays sont les États-Unis, l'Argentine, les pays de l'Union européenne, la Russie, l'Ukraine, la Chine, l'Inde, l'Australie, l'Indonésie et le Brésil. Quand l'une des régions connaît un épisode de chaleur, de froid, de précipitation ou de sécheresse extrême, cela peut entraîner une défaillance de grenier. Définie comme une saison de croissance au cours de laquelle les rendements représentent 75% ou moins des rendements moyens. Ces événements sont de plus en plus fréquents dans le monde depuis quelques décennies et le seront encore plus à mesure que la planète se réchauffe. On pourrait supposer que cela n'a pas d'importance pour les prix mondiaux des denrées alimentaires, car lorsqu'une région a de mauvais résultats, une autre peut en avoir de meilleurs et assurer la régularité de l'approvisionnement mondial. Toutefois, il est de plus en plus à craindre qu'un certain nombre de ces défaillances se produisent en même temps, car beaucoup de ces régions sont liées sur le plan climatique. Les mêmes facteurs mondiaux qui provoquent une volatilité du climat et de mauvaises récoltes dans une région provoquent simultanément une volatilité et de mauvaises récoltes dans d'autres régions. Le lien qui les unit est le courant jet de l'hémisphère nord, qui devient de plus en plus ondulé à mesure qu'il ralentit, en raison du réchauffement qui se produit à une vitesse disproportionnée dans l'Arctique. Ces vagues ascendantes et descendantes plus longues entraînent des périodes prolongées de conditions météorologiques extrêmes, chaudes, froides, humides ou sèches, qui touchent plusieurs greniers de l'hémisphère nord en un seul événement météorologique, une défaillance multiple de greniers à céréales, Multi-Bread Basket Failure, ou MBBF. Une étude portant sur les 9 principales régions productrices de céréales dans le monde entre 1967 et 2012 a montré que, à l'exception du riz, le risque de MBBF concernant le maïs, le blé et le soja a augmenté de manière significative depuis les années 1960, respectivement plus 37%, plus 400% et plus 17%. Une deuxième étude, portant uniquement sur les 5 principales régions céréalières, a montré que ces risques augmenteront encore considérablement lorsque la planète se réchauffera de plus de 2 degrés par rapport aux températures moyennes mondiales pré-industrielles. Ils seront respectivement augmentés de 882%, 287% et 292%. Cela signifie qu'au cours de la vie de la plupart des personnes qui liront ce livre, les mauvaises récoltes mondiales de maïs, de blé et de soja, qui étaient autrefois des événements rares, se produisant une fois tous les 100 ans ou moins, se produiront au moins une fois par décennie. Les projections pour le maïs sont particulièrement inquiétantes, avec des MBBF dans 5 régions se produisant tous les 3 ans à partir du moment où les températures moyennes mondiales atteindront plus 1,5 degré par rapport aux températures pré-industrielles. Comme les lecteurs lectrices avisés l'auront déjà perçu, les dernières recherches indiquent que le monde franchira ce seuil de température dès 2024 en raison du phénomène océanique El Niño. Cela signifie qu'une chute temporaire de l'approvisionnement mondial en maïs est probable d'ici 2027, avec des répercussions globales en 2028. Rappelons que les modèles qui établissent ces projections utilisent des données passées, alors que nous sommes entrés dans une nouvelle ère d'instabilité dans laquelle de multiples autres tendances néfastes sont à l'œuvre. Ces résultats inquiétants pourraient en fait constituer les scénarios les plus optimistes. Il est également important de noter que ces projections sombres concernent la défaillance simultanée des 5 principaux greniers à céréales. Le risque que seulement 2, 3 ou 4 d'entre eux soient touchés en même temps est encore plus élevé, ce qui signifie qu'il est inévitable que la production céréalière mondiale soit fréquemment touchée de manière significative. En 2015, ces risques ont alerté le principal courtier d'assurance au monde, Lloyd's of London, qui a élaboré des scénarios potentiels pour l'avenir. Dans un scénario, l'entreprise a envisagé plusieurs perturbations de greniers à céréales au cours de la même année, avec des baisses de production mondiale de 10% pour le maïs, 11% pour le soja, 7% pour le blé et 7% pour le riz. Ces baisses apparemment modérées auraient un impact significatif sur les prix. Ceux du blé, du maïs et du soja augmentent d'environ 400% et ceux du riz d'environ 500%. Le scénario imagine les conséquences de ces hausses de prix. Je cite « Des émeutes de la faim éclatent dans les zones urbaines du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Amérique latine. Plusieurs attaques terroristes ont lieu au Kenya. Le Nigeria sombre dans la guerre civile. Des manifestations pro-russes ont lieu en Lituanie. En résumé, des conséquences humanitaires négatives importantes et des pertes financières majeures dans le monde entier. » Fin de citation. Malheureusement, nous risquons aujourd'hui de subir des conséquences encore plus graves. Chaque année, environ 23% de la production mondiale de céréales est mise en réserve. Cette réserve annuelle équivaut à moins de 3 mois d'approvisionnement normal en céréales, ou à près de 4 mois si les 32% habituellement destinés au bétail étaient directement alloués à la population. Si l'on se souvient qu'une défaillance de grenier à céréales est définie comme une chute de 25% ou plus du rendement, il est facile de voir qu'une réserve mondiale de céréales de 23% ne constituera pas un tampon efficace contre des chocs répétés et fréquents. Le changement climatique met donc à mal la sécurité de nos approvisionnements mondiaux en céréales, et si la crise alimentaire mondiale de 2007-2008 nous apprend quelque chose, c'est certainement que la moindre insécurité alimentaire généralisée peut entraîner des problèmes de marché qui conduisent à des troubles sociaux et à des ruptures profondes dans le tissu sociétal. Ces changements affectant la régularité de l'approvisionnement et le prix des céréales clés ne sont aucunement isolés des autres tendances lourdes énumérées dans ce chapitre, qui affectent toutes les autres formes d'agriculture, y compris les productions nationales de céréales, de fruits, de noix, et de légumes. N'y a-t-il donc aucune lueur d'espoir? Si, mais pas suffisamment pour faire une différence outre mesure dans la plupart des pays. Le changement climatique se traduit parfois par une augmentation des précipitations dans des régions qui étaient auparavant trop sèches et par une augmentation des températures dans des régions jusque-là trop froides, ce qui peut ouvrir de nouvelles possibilités pour l'agriculture. Même l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère pourrait contribuer à des gains de production dans certaines régions. En Chine, par exemple, la croissance du blé dans le nord du pays a été positivement influencée par le changement climatique jusqu'à présent, alors qu'elle en a souffert dans le sud. Mais même si les rendements de certaines céréales peuvent augmenter sous l'effet de l'augmentation des températures et du CO2, la qualité des grains peut diminuer, du fait d'une plus faible teneur en protéines et en minéraux. Rappelons également que le simple maintien de notre production actuelle en équilibrant les gains et les pertes ne suffirait pas à éviter la crise et l'effondrement. En effet, du fait des hausses prévues de la demande alimentaire, seul un doublement de l'offre alimentaire au cours des 30 prochaines années serait suffisant. Du côté du monde marin, les effets du réchauffement de la planète sur notre approvisionnement alimentaire ne sont pas meilleurs. Les océans qui se réchauffent sont plus acides, plus stratifiés et contiennent moins d'oxygène. Cela a des conséquences très graves pour l'avenir de la pêche, qui fournit actuellement près de la moitié des produits de la mer que nous consommons. Deux de ces questions méritent d'être examinées ici pour leur implication sur les stocks de poissons, le réchauffement et l'acidification. Les océans ont absorbé environ 90% de la chaleur supplémentaire due au réchauffement climatique. Dans de nombreuses régions, les prises de pêche sont déjà affectées par les effets de ce réchauffement, avec une diminution moyenne d'environ 3% par décennie du taux de reconstitution des populations. Cela a déjà remis en question la gestion de certaines pêcheries importantes. L'acidification des océans, que nous avons examinée au chapitre 5 sur le climat, est une question connexe. Compte tenu de la gravité de cet impact sur l'avenir de la pêche, il convient de le réitérer ici. Le mécanisme de base est le suivant. Lorsque la concentration de CO2 augmente dans l'atmosphère, une grande partie de ce gaz est absorbée par les océans. Ces derniers ont ainsi absorbé jusqu'à un tiers de tout le CO2 émis par l'être humain depuis les années 1980. Ce gaz dissous forme de l'acide carbonique, ce qui fait donc diminuer le pH de l'eau de mer. Avant la révolution industrielle, le pH moyen des océans était de 8,2. Aujourd'hui, il est inférieur d'au moins 0,1 et en baisse. Le pH étant une échelle logarithmique, cette baisse de 0,1 signifie que l'océan est 30 fois plus acide aujourd'hui qu'il y a 200 ans. Certaines analystes, indépendants et indépendantes, affirment même que le pH est plus proche de 8,04. Ce qui signifierait que nous sommes au bord d'une catastrophe en raison de l'impact sur la vie marine. La moitié des organismes présents dans l'océan sont partiellement constitués d'une forme minérale de carbonate de calcium. Une eau plus acide rend plus difficile la formation de la coquille et des structures corporelles de ces plantes et animaux lorsqu'ils sont jeunes. Cela devient presque impossible dans les eaux de surface des océans lorsque le pH est de 8,04. Cela veut dire que la pollution humaine dissout de plus en plus la vie à la base du réseau alimentaire de l'océan. Certains chercheurs et certaines chercheuses affirment qu'au rythme actuel de l'acidification, les écosystèmes marins s'effondreront à l'échelle mondiale d'ici 25 ans. L'effondrement des stocks de poissons n'est que l'un des nombreux impacts qui se produiront en cours de route, les autres étant d'ordre climatique, comme nous l'avons vu au chapitre 5. L'étendue du désastre dans les océans est certes matière à controverse, mais tout le monde s'accorde à dire que les choses vont mal. L'autre moitié de la consommation mondiale de produits de la mer provient de l'aquaculture, qui est à l'origine de l'ensemble de la croissance de la consommation mondiale de produits de la mer au cours des 30 dernières années. Les deux tiers des exploitations d'aquaculture se trouvent sur Terre. et la plupart nourrissent leurs poissons avec une combinaison de poissons sauvages et de céréales. Il s'agit donc d'une version aquatique de l'élevage intensif qui présente les mêmes risques en matière de fourniture alimentaire non durable, de consommation d'énergie, de pollution de l'environnement, de maladies et d'insécurité alimentaire. Par ailleurs, l'aquaculture non alimentée, comme celle des huîtres et des moules, est confrontée aux mêmes problèmes que la pêche marine sauvage, notamment l'acidification, le réchauffement et la désoxygénation des océans. Par conséquent, les fruits de mer ne constituent pas une porte de sortie face à la crise alimentaire qui se profile à l'horizon. Lorsque l'on examine les données relatives aux impacts déjà existants sur notre approvisionnement alimentaire et que l'on considère la manière dont les sociétés modernes ont modifié notre atmosphère, nos océans et notre climat, on a d'autant plus de mal à comprendre que l'on puisse douter qu'il s'agit d'une crise que nous avons nous-mêmes provoquée. Les climato-sceptiques d'aujourd'hui, qui endossent le rôle de scientifiques citoyens et citoyennes sur des chaînes YouTube, font preuve d'une grande méconnaissance de ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de l'agriculture. Cela peut s'expliquer par les bulles urbaines dans lesquelles vivent des personnes comme elles, qui divertissent le public en ligne avec leurs opinions sur l'actualité. Pendant ce temps-là, dans le monde réel, des changements environnementaux continus et irréversibles sont déjà en train d'affecter les chaînes d'approvisionnement nécessaires à la production de leurs hamburgers et de leurs cafés latte. Il faut aider le public à comprendre cela. C'est en ce sens que j'ai conseillé les fondateurs et fondatrices d'Extinction Rébellion avant le lancement de leur mouvement en 2018. Il fallait insister sur le fait que prendre au sérieux le changement climatique, cela ne veut pas juste dire être gentil et gentille avec la nature ou avec des gens à l'autre bout du monde. Cela signifie plutôt réaliser qu'un plus grand nombre d'entre nous n'auront pas les moyens de se nourrir ou de nourrir leur famille dans un avenir proche. C'est aussi anticiper des troubles sociaux croissants, car un pays affamé peut devenir ingouvernable. À l'époque, ce type de message a effectivement secoué les consciences et permis de communiquer pourquoi il était si urgent de se confronter au changement climatique. Toutefois, l'attention consacrée à la question alimentaire au sein du mouvement semble ensuite s'être dissipée, alors même que la littérature scientifique n'a cessé d'en démontrer la pertinence ces dernières années. Tendance 5. La demande des denrées alimentaires augmente rapidement et ne peut pas être facilement réduite. Jusqu'à présent, nous avons examiné les problèmes liés à l'approvisionnement futur en denrées alimentaires. L'autre aspect de l'équation de la sécurité alimentaire est la demande. Il faut ici prendre en compte la taille globale de la population humaine et la consommation alimentaire moyenne par personne. Ces deux phénomènes sont en pleine expansion et il est très difficile de les limiter. Sous l'effet de l'expansion des sociétés de consommation industrielle, la consommation de protéines d'origine animale a bondi dans le monde entier au cours des 50 dernières années, passant de 61 grammes par personne et par jour en 1961 à 80 grammes en 2011. Il existe une corrélation évidente entre la croissance du PIB et la consommation de viande. Au cours de cette période, un facteur clé a été la montée des nouvelles classes moyennes en Asie et en Amérique latine, où la viande a en partie remplacé les protéines végétales au lieu de les compléter. Bien que certaines considèrent qu'il s'agit d'une évolution naturelle due à la croissance du pouvoir d'achat, c'est oublier combien les entités commerciales influencent les habitudes de consommation en vantant les mérites des produits carnés, présentés comme les symboles d'un statut social plus élevé et d'un mode de vie plus sain. Or, la consommation de viande augmente l'impact sur l'environnement par rapport aux aliments d'origine végétale. Représentant moins de 20% des calories consommées dans le monde, La viande et les produits laitiers utilisent 70% de toutes les terres agricoles et 40% des terres arables et sont responsables d'environ 2/3 de toutes les émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation. Même si la tendance mondiale à l'augmentation de la consommation de viande était inversée de toute urgence et de manière substantielle, il faudrait encore faire face à l'énorme défi d'une population mondiale massive et croissante. Il s'agit d'un sujet que certains abordent de manière inconsidérée, révélant ainsi leurs propres privilèges et préjugés. Par exemple, en mettant l'accent sur l'impact de la croissance démographique dans les pays pauvres, alors que les implications en matière de consommation sont bien moindres que dans les régions les plus riches du monde. D'un autre côté, dénoncer toute attention portée aux questions de population, c'est oublier trop facilement le désir de nombreuses femmes du monde entier, y compris dans les pays les plus pauvres, de vivre avec un niveau de sécurité économique, une mortalité infantile et un contrôle de leur procréation qui leur permettrait de choisir volontairement des familles moins nombreuses. Toutes les études et données le montrent. Les femmes effectuent invariablement ce choix lorsque de telles circonstances sont réunies. Par ailleurs, il y a un aspect que de nombreux et nombreuses détracteurs et détractrices de toute discussion sur la population ont tendance à négliger, celui de l'échelle. Peu d'entre nous seraient capables de dire quelle était la population mondiale l'année de notre naissance, et encore moins l'année de la naissance de notre mère ou de notre grand-mère. Lorsque je suis née, j'étais à peu près le 3,840,000,000e humain vivant dans le monde cette année-là. À l'heure où j'écris ces lignes, je suis toujours là, et 8 milliards d'autres humains sont à mes côtés. Le graphique de la croissance de la population humaine au cours de l'ère géologique de l'Holocène nous aide à replacer dans leur contexte historique les 8 milliards d'êtres humains qui se nourrissent actuellement et les quelques 10 milliards d'êtres humains qui, en l'absence d'effondrement, devraient, selon les prévisions officielles, avoir besoin de nourriture d'ici 2050. Bien entendu, ce n'est pas seulement le nombre total de merveilleux êtres humains qui augmente, mais aussi la quantité de nourriture que chacune de ces merveilles s'attend à manger. La croissance de l'approvisionnement ayant dépassé celle de la population dans la seconde moitié du XXe siècle, le prix réel des denrées alimentaires a baissé et la consommation par habitant a augmenté. Non seulement la consommation de viande a augmenté, mais la consommation et le gaspillage excessif sont devenus des caractéristiques du mode de vie des pays les plus riches du monde. Un mode de vie que les pays à plus faibles revenus semblent aspirer à imiter et qu'ils imitent de plus en plus. La consommation alimentaire en Chine est ainsi passée de 1427 kilocalories par jour et par personne en 1961 à 3375 kilocalories par jour et par personne en 2019, soit une augmentation de 237%. En Inde, elle a augmenté de 126% au cours de la même période. Et même dans les pays aux revenus les plus élevés, la consommation par habitant a continué à augmenter pendant cette période. Sur la base des tendances actuelles de croissance de la population et de la consommation, on a estimé, de manière assez irréaliste, que la production alimentaire mondiale devrait approximativement doubler d'ici à 2050. Cela signifierait que la croissance de la production au cours des 30 prochaines années devrait être supérieure à celle enregistrée au cours des 50 dernières années. Les tendances lourdes décrites dans ce chapitre montrent qu'il s'agit là d'un exploit impossible. Dans leurs analyses sur les tendances actuelles de la consommation alimentaire, y compris la consommation de viande, certaines spécialistes en sécurité alimentaire conclut qu'essayer de produire suffisamment de nourriture, je cite, « conduirait probablement à l'effondrement de certaines fonctions écosystémiques mondiales dont l'humanité dépend de manière cruciale ». Fin de citation. Compte tenu de toutes les données contenues dans ce chapitre et dans ce livre, j'estime que le mot « probablement » n'est rien de plus qu'une simple marque de politesse. Si j'en suis si convaincue, C'est notamment parce que la façon dont notre système alimentaire est géré par des intérêts commerciaux s'oppose à tout effort significatif pour résoudre le problème. Tendance 6. Le système alimentaire mondialisé donne la priorité à l'efficacité et au profit, plutôt qu'à la résilience et à l'équité, ce qui aggrave le risque de son effondrement. Il est important de rappeler que la production alimentaire mondiale actuelle dépasse largement ce qui est nécessaire pour nourrir l'ensemble de la population mondiale. La faim est causée par une distribution inégale de la nourriture et une pénurie artificielle. Notre système alimentaire, qui laisse constamment près d'un milliard de personnes sans nourriture adéquate et plus de 100 millions de personnes en situation de faim aiguë, est déjà dysfonctionnel et même meurtrier. La diminution future des denrées alimentaires provenant de multiples sources, conséquence de multiples facteurs, exacerbera ces défauts. De ce fait, un nombre toujours plus grand de personnes se trouveront affamées dans les pays les plus exploités par le capital étranger. Les changements occasionnés au cours des dernières décennies qui se poursuivent à l'heure où j'écris ces lignes ont renforcé l'impact des autres tendances lourdes décrites plus haut. Le système alimentaire mondial est dangereusement et de plus en plus optimisé pour l'efficacité et le profit plutôt que pour assurer l'alimentation de toutes et tous. Par exemple, les stocks régulateurs ont été réduits du fait d'une approche de la volatilité de l'offre basée sur un environnement précédemment stable, dont même les chercheurs-chercheuses de l'OCDE reconnaissent qu'il n'existe plus. D'autre part, ces stocks sont de plus en plus accaparés par les spéculateurs. Les gouvernements conservaient autrefois des réserves stratégiques de céréales pour nourrir leurs citoyens-citoyennes. Aujourd'hui, ils s'en remettent aux marchés mondiaux, considérés comme plus efficaces, à l'exception notable de certains pays comme la Chine ou l'Inde. Un aspect troublant de cette évolution est que, parfois, les pays qui ont le plus besoin de réserves sont ceux qui sont le moins en mesure de les payer. Ces réserves sont contrôlées par une poignée d'entreprises qui n'hésitent pas à manipuler les prix des matières premières si cela leur permet d'accroître leurs bénéfices. Par exemple, la Banque mondiale estime que lors de la crise alimentaire de 2008, je cite, « jusqu'à 30% des hausses de prix ont été provoquées par les retombées anticipées de la sécheresse et de la production de biocarburants sur les cultures de maïs, plutôt que par les chocs eux-mêmes. » Fin de citation. Un aspect essentiel des systèmes alimentaires contemporains est leur modèle d'approvisionnement international, complexe et focalisé sur le juste à temps. Ce système s'est développé en raison d'objectifs commerciaux visant à maximiser le choix des consommateurs-consommatrices et le profit des entreprises. De ce fait, il y a peu de capacités latentes dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire lorsqu'elles subissent des perturbations. Cela a été mis en évidence lorsque les réponses politiques au Covid-19 dans de nombreux pays ont entraîné des restrictions de mouvement pour les travailleurs-travailleuses, des changements dans la demande des consommateurs-consommatrices, la fermeture d'installations de production alimentaire, des retards dans le traitement aux frontières et des perturbations financières pour les entreprises au sein des chaînes d'approvisionnement alimentaire. Le résultat dans de nombreux pays et pour de nombreuses lignes de produits a été un hiatus dans la disponibilité et une augmentation des prix. Certaines spécialistes du système alimentaire appellent donc à réduire toute dépendance à l'égard des longues chaînes d'approvisionnement internationales et à se défaire d'une partie de la dépendance à l'égard des systèmes de flux tendus en tant que mode de gestion des risques par les entreprises et d'amélioration de la sécurité alimentaire au plan national. Cependant, très peu de choses ont changé et les secousses du Covid-19 sembleront mineures au regard des perturbations à venir du système alimentaire mondial, découlant des 6 tendances résumées dans ce chapitre. Je suis d'accord avec les analystes qui affirment que nos systèmes alimentaires n'ont pas besoin de fonctionner comme ils le font aujourd'hui. Des alternatives radicales et détaillées existent, en théorie. L'agronome et collapsologue français Pablo Servigne a présenté un programme complet qui permettrait de renforcer les systèmes alimentaires en Europe et dans le monde, en les rendant plus résistants aux perturbations potentielles du climat et de l'approvisionnement en pétrole. Ces nouveaux systèmes devraient être centrés sur les principes de l'agroécologie, ainsi que localisés, diversifiés, décentralisés, autonomes, circulaires et transparents. De nombreuses recommandations de Servigne rejoignent celles de la FAO. Dans un rapport spécial de 2016 sur le changement climatique, l'agriculture et la sécurité alimentaire, cette organisation recommande de se concentrer sur l'augmentation de l'efficacité de l'utilisation des ressources, la conservation et l'amélioration des ressources et des cycles naturels, l'adoption d'approches agroécologiques et une plus grande diversification des cultures. Parce que la dynamique de notre système capitaliste favorise une seule direction pour le système alimentaire mondial, les nombreuses mises en garde, ainsi que les bonnes idées pour résoudre les problèmes, ont été systématiquement ignorées. L'analyse présentée dans ce chapitre n'est pas la première à conclure que le système alimentaire mondial est sur une trajectoire d'effondrement. En 2015, selon les prévisions émises par une étude s'appuyant sur une modélisation majeure des systèmes alimentaires, je cite, « la société s'effondrera d'ici 2040 en raison de pénuries alimentaires catastrophiques ». Fin de citation. À moins que tous les facteurs conditionnant ce résultat ne changent. 8 ans plus tard, rien n'a changé dans le système alimentaire mondial, si ce n'est que la situation s'est aggravée. En repensant aux suggestions que j'ai émises en 2019 pour simplement modérer l'effondrement d'un système alimentaire, sans parler de le prévenir, je constate qu'aucune idée de ce type n'a été sérieusement discutée par les décideurs-décideuses politiques et encore moins mise en œuvre. Ce n'est peut-être que lorsque le système alimentaire s'effondrera que la domination du capital commencera également à s'effondrer et que des changements deviendront possibles. Malheureusement, les 5 premières tendances lourdes décrites ci-dessus signifient que même des politiques radicales ne pourraient que retarder, et non éviter, une tragédie due à une rupture des approvisionnements alimentaires. Texte de 2019 sur les réponses politiques potentielles. Étant novice en matière de sécurité alimentaire, je suis tout à fait conscient qu'il existe des personnes bien plus formées, expérimentées et compétentes que moi qui seront en mesure d'élaborer des politiques pertinentes. Pour les aider dans leur conversation, j'ai noté quelques réflexions initiales sur ce qu'ils et elles pourraient envisager. Tout d'abord, les pays importateurs doivent augmenter leur production nationale d'aliments de base, notamment par l'irrigation, l'utilisation de serres ainsi que l'agriculture urbaine et de proximité. Deuxièmement, les pays importateurs doivent diversifier géographiquement leurs sources d'importation de denrées alimentaires plutôt que de s'en remettre à ce qui est habituel ou le moins cher. Troisièmement, tous les pays doivent diversifier la gamme des espèces impliquées dans leur agriculture domestique en mettant l'accent sur un éventail plus large de résilience au stress climatique et ce dans le cadre d'une approche agroécologique holistique en reconnaissant la menace que représente l'effondrement de la biodiversité. Quatrièmement, les gouvernements doivent rétablir la gestion souveraine des réserves de céréales et se préparer à réquisitionner les réserves de céréales privées en cas de crise. Cinquièmement, un traité et des systèmes peuvent être nécessaires pour aider à maintenir le commerce alimentaire international en dépit d'un éventuel effondrement financier ou économique. Sixièmement, Des plans d'urgence nationaux peuvent aussi être nécessaires pour préparer le rationnement des denrées alimentaires afin d'éviter qu'une hausse rapide et importante des prix ne conduise à la malnutrition et à des troubles civils. Septièmement, en l'absence de nouvelles formes significatives d'action gouvernementale en matière de sécurité alimentaire, les gouvernements locaux doivent agir, y compris par le biais de partenariats avec des entreprises capables de gérer la distribution des denrées alimentaires. Huitièmement, nous devrions entreprendre des expériences contrôlées d'éclaircissement des nuages marins, MCB, au-dessus de l'océan Arctique, pour tenter de réduire le réchauffement de l'Arctique et de ralentir les changements préjudiciables aux conditions météorologiques de l'hémisphère nord. Cela ne signifie pas qu'une géo-ingénierie plus large soit judicieuse, mais il est important de mettre à l'épreuve le MCB de manière limitée, étant donné le potentiel catastrophique d'un réchauffement supplémentaire de l'Arctique. Les fondations s'effondrent simultanément. Dans ce chapitre, nous avons examiné les 6 tendances lourdes qui sont déjà à l'œuvre et qui conduisent à l'effondrement du système alimentaire. Nous atteignons les limites biophysiques de la production alimentaire et pourrions dépasser le pic alimentaire en l'espace d'une génération. Nos systèmes actuels de production alimentaire détruisent activement la base de ressources sur laquelle ils reposent, de sorte que la capacité de la Terre à produire de la nourriture diminue au lieu d'augmenter. La majorité de notre production alimentaire, ainsi que son stockage et sa distribution, dépendent de manière critique des combustibles fossiles, ce qui rend notre approvisionnement vulnérable à l'instabilité des prix et de l'offre, mais nous place également devant un choix impossible entre la sécurité alimentaire et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le changement climatique a déjà un impact négatif sur notre approvisionnement alimentaire, et cet impact s'accentuera à mesure que la Terre continuera à se réchauffer et que les conditions météorologiques se déstabiliseront, érodant encore davantage notre capacité à produire des denrées alimentaires. Malgré ces limites, nous sommes enfermés dans une trajectoire d'augmentation de la demande alimentaire qui ne peut pas être facilement inversée. La priorité donnée à l'efficacité économique et au profit dans le commerce mondial a porté atteinte à la souveraineté alimentaire et à la résilience de la production à de multiples échelles, rendant la production et la distribution très vulnérables aux chocs perturbateurs. Considérées individuellement, chacune de ces tendances lourdes représente un défi très important pour la sécurité alimentaire mondiale. Si on les considère de manière collective et interdépendante, il apparaît clairement que nous avons créé un problème insoluble, d'une ampleur et d'une profondeur sans précédent dans l'histoire moderne, et d'une portée inégalée en raison du nombre même de personnes qui seront touchées. Malheureusement, de nombreux, nombreuses experts et expertes et institutions continuent de minimiser la gravité de la situation. Cela pourrait s'expliquer par le fait qu'ils et elles n'examinent pas tous les facteurs importants qui influencent l'avenir de l'alimentation. Par exemple, un grand consortium de chercheurs-chercheuses a affirmé que la production de poissons et de fruits de mer pourrait augmenter de 74% d'ici à 2050. Mais leur étude ne tient pas compte des impacts du réchauffement des océans, de l'acidification, de la désoxygénation et de la pollution, ni de l'impact de la crise énergétique sur les matières premières de l'aquaculture. Bien qu'elle soit plus sobre dans ses espoirs, la FAO ignore également ces facteurs dans ses projections sur l'industrie des produits de la mer à l'horizon 2030. Le manque d'inquiétude de certaines scientifiques peut également s'expliquer par leur biais de normalité, qui consiste à s'attendre à ce que notre mode de vie ne connaisse pas de changement majeur. Cela signifie que la charge de la preuve est supposée incomber aux analystes qui extrapolent les tendances actuelles pour conclure que l'avenir est inquiétant, plutôt qu'à celles et ceux qui imaginent que toutes ces tendances lourdes changeront suffisamment pour éviter la catastrophe, ce que nous examinons plus en détail au chapitre 7. Pour croire que l'insécurité alimentaire mondiale ne s'aggravera pas dans les années à venir, il faut croire que la plupart des tendances lourdes que j'ai identifiées ici peuvent être stoppées dans les prochaines années. Et pour croire que les systèmes alimentaires ne s'effondreront pas dans la plupart des pays au cours des prochaines années, il faut avoir la conviction que toutes ces tendances lourdes seront inversées, y compris celles qui semblent impossibles à inverser, même si le monde entier répondait parfaitement à la complexité, à l'ampleur et à l'urgence de ce défi. Les personnes privilégiées peuvent choisir de continuer à vivre dans le confort de cette illusion, car leur niveau de vie les met temporairement à l'abri de la situation qui s'aggrave. Protégées par leurs privilèges, si elles subissent une douleur, cette dernière n'est pas liée au prix, à la disponibilité et à la qualité de leur alimentation, mais aux opinions des personnes qui déclenchent en elles des sentiments de peur, de colère, de tristesse ou de culpabilité. Cependant, la majorité des habitants habitantes de la planète ne disposent pas d'une telle protection. Ils et elles ont donc besoin d'efforts accrus en matière de redistribution nationale et mondiale, ainsi que de stratégies de résilience locale et nationale par la diversification des sources d'alimentation. Mais parce que rien de tout cela n'est fait, à cause des mécanismes capitalistes qui régissent les systèmes alimentaires, depuis quelques années, certaines placent leur espoir dans l'innovation technologique. J'étais curieux de savoir si de telles idées avaient vraiment du mérite, ou bien si elles constituaient simplement une nouvelle façon pour des personnes privilégiées de soulager leur douleur psychologique. Avant de conclure, examinons donc ce qui se dit à propos de la nouvelle ère des « technologies alimentaires », entre guillemets. Qu'est-ce qu'on mijote pour éviter l'effondrement? Je ne savais pas si c'était les sauterelles frites ou le fait qu'elles étaient proposées comme garniture sur un croissant. J'étais à Oaxaca, au Mexique, et mes collègues participant à la conférence se sont régalés de ce qu'on nous a présenté comme une spécialité locale. C'est notre culture qui définit ce que l'on considère comme pouvant être mangé, les sauterelles au Mexique, les escargots en France, les chevaux, les porcs ou même les humains dans certains endroits et pas dans d'autres. Mais je ne voulais pas de sauterelles au petit déjeuner. Une histoire populaire sur YouTube Land est que les écofascistes veulent nous faire manger des insectes et des boues fongiques. Il ne s'agit pas de marmites ou de spécialités mexicaines. La marmite est une marque de pâte à tartiner à base d'extrait de levure très célèbre au Royaume-Uni, où elle a tendance à polariser les opinions en raison de sa saveur très prononcée. Une partie des réactions négatives provient de l'industrie de la viande et des produits laitiers, qui craint que les politiques relatives aux émissions de gaz à effet de serre aient un impact sur ses activités. Mais à quoi faut-il s'en tenir avec les nouveaux aliments ? Pendant des années, des chercheurs, chercheuses ont travaillé sur des façons de nous nourrir si une catastrophe mondiale survenait, par exemple si quelque chose venait à bloquer la lumière du soleil. Leurs idées ont été largement ignorées jusqu'à ce que, récemment, des investisseurs se rendent compte que nous sommes déjà en train de vivre une catastrophe environnementale qui menace notre approvisionnement alimentaire. Ces derniers investissent donc des milliards de dollars dans des entreprises qui produisent de la viande et du lait à partir de cellules animales individuelles, ce que l'on appelle parfois la viande cultivée, ou qui utilisent des microbes pour produire des protéines, la fermentation de précision. En raison des capitaux engagés dans ce secteur de la food tech, il existe maintenant beaucoup de contenus promotionnels à ce sujet sous forme écrite et vidéo, provenant de groupes de réflexion, d'experts-expertes et de journalistes. J'ai découvert que certaines de ces affirmations étaient assez trompeuses. Cependant, Selon les récentes déclarations de certaines enthousiastes, les technologies alimentaires pourraient sauver le monde de l'effondrement sociétal et nous permettre de restaurer le monde vivant. Elles seraient donc davantage qu'une nouvelle et intéressante forme de production alimentaire épargnant les animaux. Ces affirmations requièrent une attention particulière compte tenu de la situation inextricable dans laquelle nous nous trouvons. Le potentiel est intéressant et certaines innovations sont plus prometteuses que d'autres. Des entreprises cultivent de la fausse viande à partir de champignons, sans qu'il soit nécessaire de recourir au génie génétique ou à une transformation complexe. Tant que vous pouvez vous procurer de l'eau, l'énergie, les substrats et les cuves de fermentation, cette forme de production alimentaire peut être réalisée n'importe où. Je ne vois aucune raison de s'opposer à un nouveau choix de protéines de ce type, qui a un impact écologique moindre et ne nuit pas aux animaux. Cependant, avec l'effondrement des systèmes alimentaires mondiaux en cours, la question est de savoir quelles seront les exigences en matière d'énergie et de substrats pour cultiver à grande échelle ces formes de simili-viande, ainsi que l'infrastructure industrielle nécessaire. Et c'est là que les choses se compliquent, contrairement aux proclamations des optimistes de cette technologie. Tous les substrats utilisés pour cultiver les cellules de viande ou les microbes nécessitent de l'azote sous forme d'ammonium, en sulfate ou nitrate, qui est actuellement produit à partir de gaz naturel fossile comme principal intrant. Une évaluation de la viabilité à grande échelle devrait examiner quels intrants seraient nécessaires pour chaque tonne de protéines produite. Les optimistes de la foodtech évoquent la possibilité de produire de l'ammonium en utilisant de l'hydrogène issu de l'électrolyse de l'eau plutôt que du gaz naturel fossile. Consciente des énormes quantités d'énergie requises pour un tel processus, d'autres enthousiastes imaginent que les ingénieurs généticiens-généticiennes trouveront des moyens de fixer l'azote présent dans l'atmosphère pour en faire de l'ammoniac. Cependant, je n'ai pas encore vu de preuves substantielles à l'appui d'une telle affirmation. Un rapport sur cette industrie rédigé par les consultants de McKinsey mentionne ces questions, mais ne tente pas de calculer ce qui pourrait être nécessaire pour que se réalisent les visions des promoteurs et promotrices de la technologie alimentaire. En remplaçant l'utilisation de la photosynthèse végétale par des aliments produits industriellement qui utilisent d'énormes quantités d'énergie pour la production d'hydrogène, on se heurterait encore à la crise énergétique à laquelle l'humanité est confrontée. Il est constructif que certaines promoteurs et promotrices, à l'image du journaliste Georges Monbiot, tentent de calculer les besoins énergétiques nécessaires pour remplacer par des protéines fermentées toutes les protéines consommées par l'être humain. Bien qu'il ait conclu que cela augmenterait la demande mondiale d'électricité de 11%, je ne sais pas s'il a pris en compte tous les besoins en énergie que requiert la production des substrats. Je n'ai trouvé aucune étude tentant d'analyser le cycle de vie complet de l'une ou l'autre des méthodes de la technologie alimentaire. Nous pouvons espérer que ces difficultés ou limites soient surmontées. Néanmoins, un élément central de la vision scientifique du monde est de produire des estimations basées sur des données, plutôt que de traiter la technologie comme une magie qui donne toujours des résultats. Lorsque les optimistes de la technologie alimentaire affirment que de nouveaux réacteurs nucléaires résoudront les problèmes énergétiques, ils ignorent les recherches que nous avons vues au chapitre 3, qui démontrent que ce n'est pas possible. Le terme « fermentation de précision » est intéressant, car il a une connotation positive. Il serait pourtant plus juste de parler de « fermentation génétiquement modifiée ». En effet, dans la plupart des cas, il s'agit d'insérer un code génétique dans un microbe afin qu'il produise une substance protéique souhaitée au cours de la fermentation. De nombreuses entrepreneurs et entrepreneuses de la technologie alimentaire recadrent la situation en décrivant le génie génétique des microbes comme une simple impression en 3D des molécules qu'ils ou elles souhaitent obtenir. Mais ce n'est pas du tout le cas. Le génie génétique de tout organisme pose le problème non seulement de réactions allergiques potentielles chez les consommateurs-consommatrices, mais aussi de la fuite des nouveaux arrangements génétiques dans la nature, ce que l'on appelle la fuite de transgènes, qui est déjà bien documentée pour les cultures génétiquement modifiées existantes. De plus, la technologie alimentaire présente ses propres risques de pollution génétique. Une fois celle-ci sortie des cuves, on ne sait pas exactement quels sont les nouveaux risques à prendre en compte. En raison de leur nombre et de leur simplicité, le mélange de gènes avec des microbes non génétiquement modifiés est probable, et il pourrait être impossible de les contenir une fois qu'ils se trouveront dans l'environnement. Les nouveaux arrangements d'ADN produiront des composés entièrement nouveaux à partir de ces microbes. Ces derniers pourraient-ils finir par donner lieu à de tels composés dans les intestins des animaux, y compris ceux des humains? En raison de la combinaison particulière de conditions nécessaires au développement de ces microbes, cela semble peu probable. Mais le risque vaut-il la peine d'être pris? Qui doit décider? Et cette personne décide-t-elle pour l'ensemble de l'humanité? Les réglementations diffèrent d'un pays à l'autre et tentent à se concentrer sur l'impact direct envers les consommateurs-consommatrices de l'ingestion de résidus dans les produits finaux, plutôt que sur la question de la fuite de transgènes affectant l'environnement. Un meilleur cadre international qui examinerait les risques potentiels de chaque nouveau microbe génétiquement modifié permettrait d'éviter des erreurs qu'il serait difficile, voire impossible, de rattraper, une fois échappé du tube à essai. L'effondrement du système alimentaire étant imminent, il est clair que les enjeux sont importants. Malheureusement, le débat sur les technologies alimentaires se trouve polarisé par des personnes affirmant qu'il y a un choix binaire à faire sur la façon de sauver le monde. D'un côté, certains et certaines affirment que la technologie alimentaire est la solution, et de l'autre, on ne jure que par l'agroécologie. Depuis que je me suis initiée à l'agroforesterie biologique, récemment, je sais que l'imitation des processus naturels peut remplacer avec succès de nombreux intrants industriels dans l'agriculture sans compromettre la productivité, tout en exigeant beaucoup plus de travail manuel. Cependant, je sais qu'il n'y a pas de réponse unique à la crise alimentaire mondiale, ni même de réponse multiforme associant les technologies alimentaires et l'agroécologie. Au contraire, les 6 tendances lourdes décrites dans ce chapitre signifient que la situation va continuer à se détériorer. Ce qu'on peut faire, c'est encourager l'adoption d'une diversité d'options susceptibles d'aider les gens à se nourrir et à nourrir les autres du mieux possible, tout en régénérant davantage de parcelles de nature, qu'elles soient jardinées ou sauvages, et se concentrer tout autant sur une approche plus équitable de l'alimentation qui prend les besoins réels comme point de départ. Nous explorerons cette approche plus en détail dans les chapitres 11 et 12. Une telle polarisation trahit l'anxiété à laquelle sont en proie les personnes travaillant dans le domaine de l'alimentation et de l'environnement. Certaines prient pour un salut technologique et s'accrochent à leur point de vue de manière quasi religieuse. Le fait que des milliards de dollars circulent aujourd'hui dans les technologies alimentaires n'est certainement pas un frein à leur dévouement persistant. Les technologies alimentaires permettront-elles de nourrir des milliards de personnes alors que le système agricole s'effondre en raison des changements climatiques et des pertes de biodiversité? La réponse courte est non, en raison des ressources qu'elles nécessitent. Mais si elles sont bien gérées et gouvernées, certaines de ces nouvelles technologies contribueront au moins à nourrir des millions de personnes, tout en présentant un risque incertain de pollution génétique du monde naturel. À l'heure actuelle, la compréhension de ce domaine est trop influencée, d'une part, par les entrepreneurs et les promoteurs financés par des capitalistes, dont la communication induit parfois les gens en erreur, pour à la fois exagérer le potentiel de leurs produits et en minimiser les risques, et, d'autre part, par les personnes qui veulent ignorer la crise alimentaire imminente et diaboliser toutes les technologies de l'alimentation, par intérêt commercial ou idéologique. Il est regrettable que les optimistes de la technologie alimentaire présentent leurs idées en opposition à l'agroécologie et à l'agroforesterie. Si l'on n'accorde pas une attention urgente à la redistribution, afin de mieux faire face à la crise alimentaire en cours, de plus en plus de gens risquent de soupçonner les capitalistes verts et les autoritaires au pouvoir de chercher à leur voler leur cheeseburger pour leur refiler de la boue fongique et autres purées d'insectes. Au-delà du ras-le-bol. Dans son rapport annuel à l'occasion du 25e anniversaire de sa création, le Marine Stewardship Council fait état d'un problème lié au réchauffement des océans. Je cite « Plusieurs pêcheries importantes ont perdu leur certification MSC en raison de changements liés au climat. » Fin de citation. Ce même rapport indique également que le poulpe et le calamar pourraient bénéficier de ce réchauffement, ce qui, je cite, « pourrait ouvrir des possibilités d'accroître l'offre de produits de la mer durables et aider les communautés de pêcheurs à s'adapter au changement climatique. » Fin de citation. Toutefois, aucune attention n'est accordée à la manière dont le réchauffement des océans pourrait perturber l'ensemble du secteur de la pêche et, de ce fait, le MSC lui-même. Aucune mention n'est faite de l'acidification des océans, de la désoxygénation, de la stratification, de la pollution toxique, des microplastiques ou du déclin du plancton, qui présentent tous des risques catastrophiques pour le secteur de la pêche et l'humanité. Mais si c'était le cas, qu'est-ce qu'un tel rapport pourrait dire d'utile ? Les six tendances lourdes conduisant à l'effondrement du système alimentaire constituent un tel changement de paradigme qu'elles laissent pantois et pantoises les professionnels du développement durable. Comme je l'ai fait pendant des décennies, ces personnes partent du principe erroné que nous avons le temps d'effectuer des réformes et d'opérer une transition. Et comme je l'ai fait, certaines d'entre elles travaillent nuit et jour, prennent des risques et s'investissent corps et âme pour que des changements s'opèrent. Mais à la lumière des informations les plus récentes sur la situation environnementale, ce travail peut perdre de son sens. Que pourrait-on faire à la place? La première étape consiste à nous imprégner de ces informations et à les laisser reconstituer notre sens de la réalité. En 2019, j'écrivais « Si vous estimez qu'à l'échelle de l'humanité, nous changerons rapidement nos systèmes de production pour réduire notre dépendance à l'égard des céréales pluviales et que nous modifierons tout aussi rapidement notre système alimentaire commercial pour faire en sorte que chacun, chacune, soit nourri à sa faim, alors je comprends vos doutes sur un effondrement sociétal généralisé. Mais sur la base de mon expérience et de mes analyses, je ne pense pas que les responsables des systèmes politiques puissent réagir aussi rapidement dans le monde entier. C'est pourquoi ma propre conclusion, aussi triste et choquante soit-elle, est que l'effondrement sociétal à court terme est désormais inévitable. 4 ans plus tard, grâce à une équipe de recherche avec laquelle j'ai passé de nombreux mois à examiner de plus près cette myriade de problèmes, je pense qu'il est plausible d'affirmer que le système alimentaire mondial a déjà commencé à s'effondrer. Les six tendances lourdes ne sont pas seulement insolubles, elles semblent inarrêtables, et nombre de leurs conséquences sont irréversibles. Pire encore, les tendances climatiques pourraient déclencher une perturbation mondiale massive du fait d'une défaillance de plusieurs greniers à céréales en l'espace de quelques années seulement. Je ne m'attends plus à ce que la publication de ces résultats contribue à influencer les politiques. Mais j'espère que davantage de personnes prendront des mesures dans leur propre vie et au sein de leur communauté. Cela peut sembler défaitiste, mais je crois qu'il y a de nouvelles victoires à remporter en transformant les systèmes alimentaires au niveau local, tout en résistant à la destruction continue perpétrée par les entreprises capitalistes mondiales. Il s'agit aussi de défier celles et ceux qui diluent la gravité de ce que l'humanité vit déjà et d'encourager des positions informées, plutôt qu'idéologiques ou fondées sur des croyances magiques, à l'égard des nouvelles technologies alimentaires.